fait ce choix dans la partie. Faites les boules et levez les bras, on va voir ton mandat. Oui, FWC, FWC. Girl, si t'apprécies, remue ton body, c'est parti. Dis-toi ce soir, qui sont vos maîtres de cérémonie. C'est FWC, FWC. Présentation, moi c'est T-Root. Je m'adonne à la chanson que le bad bye bad écoute. Je m'éteins des passations, c'est que la musique me bouge. Les amis sur mon chemin, restera sur ma route. Je suis une passion, c'est une raison d'action. Afin de me permettre d'apporter ma contribution. De te faire connaître ce qu'on appelle vibration. Un état de bien-être qui porte bien son nom. Prends-le bien dans ta tête, tout comme mon nom. Car y a des chances, c'est ailleurs comme en France. T-Root met l'essence en femme dans tous les sens. Ça en suit à outrance sur un rythme qui balance. Allez, allez, laisse-toi aller, allez. Fais un pas et avance, continue la piste de danse. Allez, allez. Laisse-toi aller, allez. Montre-nous ta puissance, paisis le feu et l'ambiance. S'il y a des gars et des filles ce soir dans la partie, faites les bruits, levez les bras, on va pas trop grand taille. Oui, FWC, FWC. Girl, si t'apprécies, remue ton body, c'est parti. Dites-moi ce soir, qui sont vos maîtres de cérémonie. FWC, FWC. Écoutez Indie, qui s'installe d'une manière que mes ménages. Je ne fais pas de détails, mon rap c'est de la balle. Est-ce que tu te font mal? Je ne m'explique avec des lyrics phénoménales. Je n'acherai pas car je suis loin d'avoir atteint ma voix. Et c'est pour cela que je baillera tous les jours pour assurer mes pas. C'est mon style de vie et beaucoup de gens m'écrivent. Et bien tant pis, je continuerai donc mes faits. Tout ce que je commets, éteint mon âme et conscience. Appelle-moi un fait, c'est vrai qu'on est en France. Mais je n'avance pas au petit bonheur, la chance. Je n'ai confiance dans nos propos. Certains nous trouvent parano, d'autres mégalos. Mais je ne suis pas idiot, j'ai un cerveau qui me permet de rester dans ton texte. Après que personne ne se vexe, ne s'entête à venir nous tester. Y'a des gars et des filles ce soir dans la partie. Faites des bruits, levez les bras, on va pas trop en taille. FWC, FWC. Girl, si t'apprécies, remue ton body, c'est parti. Dis-toi ce soir, qui sont vos maîtres de cérémonie. FWC, FWC. J'ai découvert la musique, j'étais alors tout petit. Et puis j'ai grandi avec son état d'esprit. Vous avez tout deviné, il s'agit du reggae, de la musique, vibration, c'est ma vie, ma passion. Une des méfaits, j'en ai commis, juste pour l'amour de la musique. La haine en moi s'est évanouie, depuis que je donne la réplique. Si je m'applique, c'est pourquoi pas tout le monde puisse kiffer. Le son qu'on vient vous donner, celui de FWC. La musique, c'est ça, c'est comme ça que je la vois. Elle a été mon homme, j'ai été son élève. Aujourd'hui, je lui dois tout, même ma vie, sinon je serais pas ici. Elle représente ce que j'ai de plus cher depuis mon enfance. J'ai de la chance car elle me permet d'évacuer mes souffrances. Quand j'y pense, si je ne l'avais pas, je ne serais pas là. Nous serions pas là pour vous faire bouger sur un son comme ça. S'il y a des gars et des filles ce soir dans la partie, faites les bruits, levez les bras, on va pas trop en taille. Oui, FWC, FWC. Girl, si t'apprécies, remue ton body, c'est parti. Dis-toi ce soir, sur vos maîtres de cérémonie. FWC, FWC. S'il y a des gars et des filles ce soir dans la partie, faites les bruits, levez les bras, on va pas trop en taille. Oui, FWC, FWC. Girl, si t'apprécies, remue ton body, c'est parti. Dis-toi ce soir, sur vos maîtres de cérémonie. FWC.